toutes et à tous dans ce podcast réalisé par nos élèves de 4e et de 5e de la Lab School Paris dans le cadre de notre cours de français. Ils vous proposent des contenus préparés avec soin pour partager leurs idées et leurs découvertes. Ce podcast a été réalisé par des élèves dans un cadre éducatif. Tous les droits sont donc réservés. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des préjugés avec Anouk et moi, Gaïa. Ainsi que Anna, notre invitée d'honneur. Installez-vous confortablement, ça va commencer. Pour commencer ce podcast, on va définir ce qu'est un préjugé. D'après le dictionnaire Larousse, un préjugé, c'est jugement sur quelqu'un, quelque chose qui est formé à l'avance selon certains critères personnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne, de cette chose. Avoir un préjugé contre quelqu'un. Une question à se poser serait, pourquoi les préjugés existent-ils ? D'après les réseaux Canopé, les préjugés résultent d'un même processus de catégorisation et de classification de l'humanité. Ils s'appuient sur des éléments subjectifs, souvent liés à des représentations stéréotypées, et croisent des données objectives telles que le physique, l'âge, le statut social, la religion, l'origine, etc. Et toi, Gaïa, est-ce que tu as des préjugés, ou même si tu sais que c'est faux, tu les enregistres quand même ? Je ne sais pas, sûrement, mais là tout de suite, je ne peux pas te dire. Et vous, chers auditeurs et auditrices, avez-vous des préjugés préconçus ? Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Vous venez d'écouter Get Up, Stand Up de Bob Marley, feat. Gaïa, Anouk et Anna. Gaïa, as-tu des exemples concrets de préjugés qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours ? Oui, bien sûr. Dans la catégorie sexiste, on peut avoir « les filles sont plus émotives ». Pour les grossophobes, on peut avoir « les personnes grosses sont paresseuses ». Pour les homophobes, « les hommes gays homosexuels sont efféminés ». Pour les gens obsédés par le physique, les personnes qui ont des lunettes sont plus intelligentes. Et il y en a même plein d'autres. Voici un extrait du livre « Meuf » écrit par Marie Dubois, qui explique que les femmes ne se tournaient pas les pouces à la caverne au temps de la préhistoire. La femme préhistorique n'était pas là pour balayer la grotte. On sait qu'elle chassait, taillait des outils, allumait des feux, allait à la cueillette, travaillait les peaux, peignait dans les grottes, etc. Ce devait être un système beaucoup plus équilibré. La division sexuée du travail n'était sans doute pas aussi marquée qu'aujourd'hui. C'était la compétence qui primait. Ces préjugés existaient car la plupart des archéologues étaient des hommes. Ils pensaient que les femmes ne faisaient rien. La découverte des squelettes a bousculé toutes les idées, d'après Marie Dubois. Les préjugés peuvent mettre à part certains individus, car dit en face, ils peuvent les blesser. Sarah vient d'Algérie, elle passe un entretien d'embauche et le manager lui dit qu'elle a très peu de chances d'avoir ce job, même si son CV correspond à leur recherche. En parallèle, Chloé qui vient de Bordeaux, elle passe le même entretien d'embauche que Sarah. Elle a un portrait qui correspond moins à celui que Sarah, mais elle est quand même acceptée. Ceci est un exemple d'exclusion pour cause de préjugés. Interview Anna, psychologue de 41 ans et 75 ans d'expérience, selon elle. Salut Anna, comment vas-tu ? Oh, eh bien, ça va. Et d'ailleurs, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Donc oui, je m'appelle Anna, je suis psychologue de 41 ans. Je suis très jeune, je sais. merci. De la merveilleuse, sublime, magnifique association... Association dont je n'ai pas du tout oublié le nom. Oui, et donc toi, comment vas-tu, Gaïa ? Bah, pour nous, tout va bien. Bon, revenons aux questions. En premier, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit un préjugé qui t'a marqué ? Ah oui, quand j'étais toute petite, j'étais en CM2, on m'a déjà dit que j'étais faible en termes de musculature. Après, j'ai fait 3 torsions sous le nez de la personne et elle n'a plus rien dit. Tu as déjà entendu un de tes proches en dire un ? Non. Comment, selon toi, on peut arrêter les préjugés ? Bien, déjà, les gens pourraient attendre avant de faire des conclusions hâtives, être peace and love, s'entraider, tout ça. D'ailleurs, ça me rappelle une des histoires... Bon, ça nous fait une excellente transition pour la prochaine partie. Comment peut-on arrêter les préjugés ? On pourrait pratiquer l'empathie, essayer de se mettre à la place de l'autre, percevoir la personne dans sa totalité, observer sans juger. L'observation ne devrait pas être un acte d'évaluation. C'est en prenant du recul qu'on arrive à mieux comprendre les autres. Cultiver la curiosité, pas la suspicion. Au lieu de chercher à confirmer vos attentes ou vos idées préconçues, posez des questions ouvertes, écoutez activement et soyez attentifs aux nuances. Pour avoir un moment de poésie entre nous, on va vous partager une citation faite par nous, avec l'aide des parents de Gaïa. « Ne juge pas une personne par l'écho de ses origines, mais par la résonance de ses actions.